of sin émerge dans les pensées. Of sin émerge dans les pensées. Of sin dans un autre niveau de conscience. Qu'est-ce que ton instinct t'a dit? Qu'est-ce que ton sentiment t'a dit? Tu t'es réveillé à minuit. Tu t'es réveillé de mes sommeils. Le voyage interne vous a montré des images. Le voyage interne vous a donné du repos. Vous a donné le guide. Vous a donné le chemin. Absent, immergé dans les pensées. Conscient, instinct, ensemble. Il vous offre des routes. Certains dans les lieux forts. Et Dieu pour former. Absent, dans un autre niveau de conscience. Tu as vu le passé, tu as vu le présent, tu as vu le futur. La porte est ouverte. Vous l'avez plus loin, mais vous l'avez endossé à pas de gens. Qu'est-ce que ton instinct t'a dit? Qu'est-ce que ton sentiment t'a dit? Trouvez le vrai chemin et continuez. Nous avons marché des milliers nous devrons marcher. Portez, portez, haut, bas et sous les côtes. Absent, immergé dans les pensées. Absent, dans un autre niveau de conscience. Qu'est-ce que ton instinct t'a dit? Qu'est-ce que ton sentiment t'a dit? Jules, le cavalier.